diamant. Peu à peu, j'apprivoise le feu. Il y avait des lumières, les chants et les couples cachés, ceux qui fumaient dans la paix, l'été, les odeurs d'herbe, le ruisseau rouge aux lueurs vertes et ces fresques à flanc de coteau que le paysage changeait en pierre. Il y avait le chant des pins fripés, les langues bavardes de deux grands eucalyptus, les séquoias hautains, les laves éternelles figées en cône sentinelle au bord des autoroutes insomniaques. Il y avait la liberté. Lover, your solitude in the night of words. Gradually the fire becomes tame. Once there were lights, old tunes and hidden couples, smokers in the summer peace, smell of bluegrass, a glint of green on the red stream, and frescoes on the hillside turning to stone by the landscape. There was the song of trampled pines, the chattering tongues of high eucalyptus, haughty sequoias, everlasting lava cones, shaped like standing walls along insomniac freeway. There was freedom.